Cette fois je ne m'en sortirai pas. Je suis dans de beaux draps. Je rends les armes, je lève les bras. Je me remets à toi. J'accepte d'être ton prisonnier. Si tu deviens ma maison d'arrêt, inutile de me passer les menottes. Je ne m'enfuirai pas. Choisis la route qui t'importe et je suivrai tes pas. Car derrière tes barreaux, je sais que je trouverai ma liberté. Car si je suis sûr d'une chose aujourd'hui, près de toi je resterai. Dans tes bras jusqu'à l'infini, près de toi je resterai. Au fond de moi mon cœur le sait. Près de toi je resterai. Dans tes bras jusqu'à l'infini, près de toi. Jusqu'à l'infini.